Bernold, chrétien de bonnes mœurs et bourgeois estimé du public de Reims, France, était sujet aux extases, ou ravissements, parfois assez longs, durant lesquels il fit plusieurs voyages au purgatoire. Atteint de graves maladies, et à un âge avancé, Bernold reçut les saints sacrements qui allègent la conscience du chrétien, et demeura 4 jours entiers en extase, immobile, sans manger, sans pouls, sans sentiment, sinon que sa face lui demeurait toujours vermeille, et on le sentait quelque peu respirer par longs intervalles. Le 4e jour, vers minuit, il pria sa femme d'envoyer chercher son confesseur, et un quart d'heure après il dit à sa femme « Mettez ici un siège, car le prêtre arrive. » En effet, le prêtre entra, il prononça les belles prières de recommandation pour son âme, auxquelles Bernold répondit fidèlement. Puis Bernold lui rapporta combien d'âmes, souffrant au purgatoire, l'avaient chargé de commission alors qu'il avait été ravi en extase. Un esprit l'avait conduit vers ceux qu'on purifiait dans les glaces, où se trouvait un grand nombre d'évêques, parmi lesquels il reconnut Ebon, l'archevêque de Reims, Pardule, l'évêque de Laon, Aîné, l'évêque de Paris, ainsi que quelques autres prélats. Défiguré et sale, les robes déchirées en lambeaux, le visage ridé, la peau basanée comme s'il fût sorti du milieu de la flamme, ou d'un bain très chaud. Ebon le supplia de demander des prières au clergé et au peuple de Reims, pour lui, ainsi qu'à ses compagnons qui faisaient les mêmes instances. Ce dont Berthold se chargea. Il trouva plus loin l'âme très épuisée du roi Charles le Chauve, étendu dans un bourbier plein de verre. L'ex-roi lui confessa qu'il était puni pour avoir donné les bénéfices ecclésiastiques à des courtisans et laïcs mondains, comme fit son aïeul Charles Martel. Il demanda à Berthold de le recommander à l'archevêque Incomar et au prince de sa famille. Ce dont Berthold promit des démarches. La version suivante fut écrite par Incomar, telle qu'elle lui fut racontée. Il en fit le récit partout où nécessaire, il communiqua avec plusieurs, autant de lui-même que par d'autres fidèles du roi, et travailla dévotement à la délivrance et au repos de l'âme du roi Charles. Appelant Bernold par son nom, Ebon le chargea d'avertir ceux du clergé et ceux du peuple de Reims à qui il avait fait du bien dans sa vie, pour faire des prières et des aumônes, et faire dire des messes, pour son âme et celle de ses compagnons évêques. Ebon avait donné à Bernold, comme lui sembla, un conducteur pour le guider vers ce qu'il entendait devoir prier Dieu pour lui, et les autres évêques. Tout en extase qu'il était, Bernold avait accompli la charge sous sa guide, et était retourné vers Ebon et sa compagnie. Il les retrouva beaux et frais, habillés de blanc, et montrant un visage fort joyeux. Ebon avait pris la parole pour tous, pour remercier Bernold de ce qu'il avait eu souvenance d'eux, et que par son moyen ils étaient mieux que de coutume, car ils avaient changé de garde. Une autre fois ravi en extase, Bernold eut encore cette vision. Dans un lieu noir obscur, percé d'un rayon de lumière d'un lieu voisin bellement fleuri, odoriférant et brillant, il aperçut le roi Charles le Chauve étendu dans la vase de sa décomposition, rongé de verre, ayant presque consumé toutes ses chairs, on ne voyait de son corps plus que les nerfs et les os. Le roi appela Bernold par son nom et dit « Pourquoi ne me secours-tu pas ? En quoi puis-je vous secourir ?» dit Bernold. « Prends cette pierre près de moi, mets-la sous ma tête. » Puis le roi Charles lui dit « Va trouver l'évêque Incomar et dis-lui que pour n'avoir pas voulu suivre ses bons conseils, et ceux de quelques autres fidèles, je souffre les maux que tu vois, en punition de mes fautes. Dis-lui bien que j'ai toujours eu confiance en lui, qu'il m'aide de son secours, afin que je sois délivré de mes peines. Et à tous ceux qui m'ont été fidèles, demandez des secours de ma part. Car s'ils veulent s'y employer avec zèle, je serai bientôt délivré de cette peine. » Beaucoup de choses qui se désirent en un bon prince défaillaient en Charles le Chauve. Il donnait les bénéfices ecclésiastiques à des courtisans, l'abbé de Ferrières se plaint de lui. Davantage, Charles avait des gouverneurs qu'il appelait baillés, mais encore plus pilleurs du peuple. par leurs conseils et entremises se maniaient les finances, et tous les tas chancelaient sous eux. Il avait aussi envahi l'héritage de ses neveux et fils de ses frères, et pour se fortifier contre eux, il nomma les Bretons et les Normands de déborder sur la France. Il ennoblit des gouverneurs, la plupart de Villeurras, qui se rebellèrent contre ses successeurs, et se firent seigneurs absolus des gouvernements à eux baillés. Bernold lui demanda quel était ce lieu d'où venait la lumière, et il apprit que c'était le repos des saints. Il en approcha plus près et vit une belle clarté. Il sentit un parfum si doux qu'il n'y a de mots qui peut l'exprimer. Il vit une multitude d'hommes de toutes conditions vêtus de robes blanches, qui se réjouissaient, et quelques bancs lumineux où aucun de ceux pour quoi ils étaient préparés n'était encore assis. Continuant sa route, toujours en vision, il entra dans une église où il trouva l'évêque Incumar avec ses clercs, habillés pour célébrer la messe, et lui dit ce que Charles avait recommandé. De là soudain, retournant au lieu où il avait vu le roi si misérablement étendu, il trouva le lieu entièrement brillant, et le roi saint, revêtu de ses habits royaux qui lui dit « Vois comme ton message m'a profité. » Plus loin encore, Bernold vit Jessé, évêque d'Orléans, dans les mains de quatre esprits noirs qui les plongeaient dans un puits de poids brûlant, et alternativement dans un puits d'eau glacée. Non loin de lui, le comte Auter était dans d'autres tourments. Ils se recommandèrent tous deux aux diligences de Bernold. Bernold exécuta fidèlement les commissions des âmes en peine. Pour les évêques, il s'adressa à leur clergé et leur peuple. Pour le roi Charles le Chauve, à l'archevêque Incumar, qui écrivit à la parenté du défunt monarque, leur faisant connaître l'état où il était vu. Pour le comte Auter, il alla presser sa femme, ses vassaux et amis, de faire pour lui des prières et des aumônes. Dans ce dernier voyage, que la grâce lui accorda, il apprit que le comte et l'évêque Jessé seraient délivrés. Il avait vu les évêques Ebon, Aîné, et Pardul, sortir du purgatoire frais vêtus de robes blanches qui le remercièrent. Après cet exposé, Bernold ajouta que son guide lui promit encore quelques années de vie. Il demanda la Sainte Communion et se sentit guéri. Le lendemain il quitta le lit, sa vie se prolongea de 14 ans.